Chapitre 7 La forêt de Villers-Cotterêts. La magnifique maison de plaisance du régent Philippe d'Orléans avait ce jour-là un aspect plus joyeux encore que d'habitude. On voyait les palefreniers s'empresser dans les cours autour des carrosses attelées. Les chevaux de selle piaffaient et se démenaient comme pour appeler leur maître, et toute une armée de pages, coureurs et laquais à galante livrée encombrait les abords du perron. Le régent était encore à table. Ce prince dont l'interrègne a fourni tant de sujets de vaudevilles grivois et de romans de Baillieu n'avait point les royales mœurs de ses aînés de Bourbon. Entre les goûts fastueux de Louis XIV, il avait fait un mesquin triage et bornait ses passions à deux, la table et le boudoir. Sa cour sentait l'orgie. Il y avait des taches de vin sur les dentelles de ses favoris, et c'est peut-être le seul prince qui soit réellement à sa place sur les planches mal fréquentées de nos petits théâtres. Louis XV eut les défauts que chacun sait, mais du moins l'ivresse ne le fit jamais trébucher et choir dans le ruisseau. La régence fut un bon temps pour le gibier des forêts de la couronne. Philippe d'Orléans ne chassait guère et préférait de beaucoup pour cause les moelleux coussins d'un carrosse au crin et au cuir de la selle. Ses promenades avaient lieu d'ordinaire après boire, et dans ces occasions il avait, le plus souvent, grand besoin d'un dossier. Il faut que toute chose finisse. Le repas eut un terme. Courtisans et belles dames descendirent à flots de velours et de satin le grand perron du château. Tous étaient, comme on peut le croire, en merveilleuse humeur. Il n'y avait pas une bouche rose qui ne s'épanouît dans un provoquant sourire, pas une perruque poudrée qui n'oscillât complaisamment, tandis que son propriétaire grasseyait un bon mot ou décochait une déclaration érotique en baisant un gant parfumé. C'était un délicieux caquetage, un pêle-mêle adorable de marquises entre deux vins et de vicomtes sautés au madère. Les collerettes étaient bien quelque peu fripées, les jabots froissés, les coiffures dérangées, mais la morale restait sauve néanmoins, puisque le révérend Guillaume Dubois, abbé d'une foule d'abbayes, et qu'on proclamait déjà cardinal en expectative, sanctifiait par sa présence cette aimable cérémonie. Madame de Carnavalet, qui avait l'honneur d'être distinguée par le régent depuis 3 fois 24 heures, monta la première en carrosse. Ce fut le signal. Les équipages s'émaillèrent de charmants visages, les chevaux de selle dansèrent sous leurs cavaliers, et la grande porte de la cour s'ouvrit. Par extraordinaire, Philippe d'Orléans n'avait point pris place dans son carrosse. Il essayait un magnifique cheval que lui avait envoyé la reine Anne d'Angleterre, présent qu'il appréciait surtout à cause de son origine britannique, car le régent était anglais de cœur. Tous les historiens s'accordent à dire que Philippe d'Orléans avait un fort beau visage. Ses portraits, d'ailleurs, en font foi. Lorsqu'il voulait bien mettre de côté ses allures abandonnées et ses façons de rouer en goguette, on reconnaissait en lui le descendant des rois et il pouvait faire figure de prince. Ce jour-là, se trouvant d'humeur gaillarde, il se mit en selle avec aisance et tout aussitôt la cavalcade s'ébranla. Entre la sauvage forêt de Rennes et les massifs artistement percés de Villers-Cotterêts, il y avait plein de contrastes. C'était bien encore ici de grands bois à l'opaque ombrage, des chênes haut lancés, des couverts à égarer une armée, mais la main de l'homme se faisait partout sentir. Il fait bon pour une terre être domaine de prince. Lorsque la main du maître peut ne point ménager l'or, la nature se façonne et s'embellit sans rien perdre de son agreste splendeur. Tantôt les larges allées se déroulaient en méandres capricieux et aménagés comme à plaisir. Tantôt elles alignaient à perte de vue leur double rangée de troncs sveltes et semblaient une immense colonnade supportant une voûte de verdure. Entre les deux paysages, il faut le dire, l'avantage ne restait point à la Bretagne. La forêt de Retz fourmille de sites admirables. En descendant les ombreux sentiers qui mènent à la vallée, on songe au paradis terrestre. Lorsqu'on regagne les hauteurs, l'horizon s'étend et acquiert cette largeur qui manque presque toujours au paysage breton. Et d'ailleurs, la pauvre forêt de Rennes ne saurait opposer que quelques gentilhommières inconnues ou le clocher ignoré d'une église de village au royal château bâti par les Valois et à la noble abbaye de Prémontré. Il y avait une heure que la cavalcade avait quitté l'avenue de Villers-Cotterêts. Elle avançait lentement. Les gentilshommes caracolaient aux portières des carrosses qui roulaient sans bruit sur le gazon des allées. Philippe d'Orléans causait avec madame de Carnavalet qui regardait le beau monsieur de Nancré par l'autre portière. Tout à coup, à un détour de la route, deux cavaliers apparurent et se posèrent au milieu du chemin de manière à barrer le passage. C'étaient deux hommes de haute taille et d'athlétique carrure. Leur costume, qui ne ressemblait en rien à celui de l'époque, était gris de poussière. Le plus vieux de ces deux inconnus se tourna vers un paysan monté sur un bidet qui lui servait de guide et se tenait à distance respectueuse, et lui demanda tout haut « Lequel de ces gens est le duc d'Orléans ?» Le paysan montra du doigt le prince et s'enfuit. L'inconnu poussa droit au régent qui recula instinctivement et porta la main à son épée. Les courtisans, un instant paralysés par la surprise, se jetèrent au-devant de leur maître. Madame de Carnavalet, qui avait d'abord songé à s'évanouir, reprit ses sens afin de bien voir. « Qui êtes-vous ? » demanda le régent après le premier moment de silence. « Je suis Nicolas Trémel de la Trémelay, seigneur de Bouëxy-en-Forêt, » répondit le nouveau venu. « Et que voulez-vous ? » « Me battre en combat singulier contre le régent de France. » Ces étranges paroles furent prononcées d'un ton grave et ferme, exempt de toute fanfaronnade. Les courtisans se regardèrent. Un muet sourire vint à leurs lèvres. Les dames étaient puissamment intéressées. Elles contemplaient cela comme ensuite une représentation dramatique. Tout est spectacle pour les femmes. C'était en effet un spectacle singulier et fait pour étonner que ces deux hommes, débris d'un autre siècle, mais débris vigoureux, menaçants, intrépides, au milieu de ces mignons à visage efféminé, que ces longues épées à garde de fer parmi ces rapières de parade, que ces pourpoints de gros draps sans ruban ni broderie, au milieu de tout cet or et ce velours. On eût dit que la Bretagne du XVe siècle sortait du tombeau et venait demander raison de la conquête aux arrière-neveux des conquérants. Philippe d'Orléans avait senti d'abord un mouvement d'inquiétude, mais 10 gentilshommes le séparaient maintenant du vieux Breton. Il oublia sa passagère frayeur. « Cet homme est fou » dit-il en riant. « Il fera peur à nos dames, qu'on le chasse !» L'ordre était explicite. Mais la rapière de Nicolas Trémel était longue. Les gentilshommes ne se pressaient point d'attaquer. Le vieux Breton ôta lentement son gant de peau de buffle qui pouvait bien peser une livre. « Il faut en finir !» murmura le régent avec impatience. « Il faut en finir !» répéta gravement Nicolas Trémel. « On m'avait dit que le sang de Bourbon était un sang héroïque, mais la renommée est menteuse, je le vois. » Ou bien la branche aînée a gardé tout entier l'héritage de vaillance. Philippe d'Orléans, régent de France, pour la seconde fois je te provoque au combat. » Ce disant, monsieur de la Trémelay dégaina. Les gentilshommes en firent autant. Les dames trouvèrent que la comédie marchait à souhait. « Soyez témoins, » reprit Nicolas Trémel d'une voix haute et solennelle. « Ne pouvant accuser le roi qui est un enfant, j'accuse le régent de France de tenir en servage la province de Bretagne, laquelle est libre de droit. Pour prouver la vérité de mon dire, j'offre le combat à outrance et sans merci. Si Dieu permet que je succombe, la Bretagne n'aura perdu qu'un de ses enfants. Si je suis vainqueur, elle recouvrera ses légitimes privilèges. » Un combat en champ clos, murmuraient les courtisans qui n'étaient point fort éloignés de s'amuser de l'aventure. Un combat entre Son Altesse Royale et Monsieur Nicolas. L'idée vaut quelque chose. Le régent ne riait plus. Quant aux dames, saisies par le côté romanesque de l'aventure, elles admiraient maintenant l'austère visage du vieillard et prenaient parti pour sa barbe blanche. « Eh bien !» reprit encore Nicolas Trémel, dont l'œil s'allumait d'indignation. « Régent de France, vous ne répondez pas ?» Un silence profond suivit ces paroles. Chacun eut le pressentiment d'un événement extraordinaire. Au moment où le régent ouvrait la bouche pour ordonner définitivement à ces gentilshommes d'écarter le vieux Breton, celui-ci le prévint et se tourna vers son écuyer. « Fais ranger ces hommes !» dit-il froidement. Jude poussa son robuste cheval au milieu du flot des courtisans qui, refoulés avec une irrésistible vigueur, se rejetèrent à droite et à gauche. Durant une seconde, une seule, Philippe d'Orléans et Nicolas Trémel se trouvèrent face à face. Ce court espace de temps suffit au vieillard qui, levant son massif gant de buffle, en frappa le régent de France en plein visage et cria d'une voix retentissante « Pour la Bretagne !» 30 épées menacèrent au même instant sa poitrine. Les dames purent s'évanouir. Le dénouement surpassait toute attente. En recevant ce sanglant outrage, Philippe d'Orléans avait pâli. Il mit l'épée à la main comme le dernier de ces gentilshommes et se précipita vers l'agresseur. Mais il s'arrêta en chemin. La colère avait peu de prise sur cette nature où la tête dominait complètement le cœur. Il revint vers Madame de Carnavalet qui faisait semblant d'être morte et fit semblant de la secourir. Pendant cela, un combat inégal et dont l'issue ne pouvait rester douteuse s'était engagé entre les deux Bretons et la suite de Son Altesse Royale. Les gentilshommes français qui, pour être fort dissolus, avaient néanmoins gardé leur générosité native, essayaient de désarmer leurs adversaires et non point de les tuer. Au bout de quelques minutes, Nicolas Trémel, renversé de cheval, fut pris et lié à un arbre. Il ne prononça plus une parole et resta tête haute devant son vainqueur. Jude avait encore son épée. Il était entouré de tous côtés, mais non point vaincu. Monsieur de la Trémelay, jugeant inutile de prolonger la bataille, lui fit de loin un signe. Aussitôt Jude jeta son arme aux pieds de ses adversaires, qui s'emparèrent de lui sur le champ. À ce moment, une douleur amère et soudaine se refléta sur les traits du vieux gentilhomme qui, jusqu'alors, avait gardé l'apparence d'un calme stoïque. Un souvenir venait de traverser son âme. Il avait vu Georges qui souriait dans son berceau. Jusqu'à cette heure, son extravagant espoir l'avait soutenu. Il avait cru forcer le régent à descendre dans l'arène et à jouer contre lui l'épée à la main les destinées de la Bretagne. Il avait compté sur l'insulte suprême, pensant que les princes, gentilshommes avant tout, ne savaient point venger un outrage autrement que par le jugement de Dieu. Maintenant, il comprenait. La fièvre était passée. Comme il arrive toujours après une défaite, 1000 pensées sinistres se pressaient dans son cerveau. Il sentait naître en son cœur un doute touchant la loyauté de son parent Hervé de Vaunois, et ce doute, à peine conçu, grandissait jusqu'à devenir terrible comme une certitude. Il croyait entendre la voix menaçante et lointaine du pauvre Albinos, et cette voix lui disait la ruine de sa race. Il jeta un regard découragé vers Jude et se repentit de lui avoir fait rendre son épée. « Reprends ton arme, mon homme » cria-t-il. « Passe sur le corps de ces muguets et va-t'en veiller sur l'enfant !» Jude obéit comme toujours. Un puissant effort le dégagea des mains qui le retenaient. Mais la foule s'était augmentée. Les valets et les palefreniers avaient rejoint la cour. Jude fut terrassé. En tombant, il tourna vers son maître ses yeux pleins d'une respectueuse tristesse. « Je n'ai pas pu » murmura-t-il, comme s'il eût voulu excuser une désobéissance. Nicolas Trémel courba la tête. « Pauvre Georges, dit-il. Que Dieu me punisse et le prenne en pitié. Madame de Carnavalet, jugeant que son évanouissement avait été suffisamment prolongé, reprit ses sens. Le régent donna le signal du retour. Tout le long de la route, il se montra d'une fort aimable gaieté. Seulement, en montant le perron du château, il se pencha à l'oreille de l'abbé Dubois et prononça le nom de la Bastille. Dubois s'inclina en signe d'obéissance. C'était l'arrêt de Nicolas Trémel et de l'honnête Jules, son écuyer.